il connaît sa fille. Lui évite piège pour pas tomber et où les dents les rires. Attention, du moment là, la papier rien. Un seul regard et lui voici un affaire, les pas clair dans son monde. Lui veut vivre avec la droiture et pour ça lui donne le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Oh yo yo yo yo yo. Pour son famille, lui la grâce. Pour son famille, et la lui chante. Où ça sortira la nous. Mon pays, pour perdre son liberté. Tu fais, Tipa, Zoti contrôle à nous. Mon pays, pour perdre son liberté. Tipa, Tipa, Tipa. Et la mati tout haut, c'est tout pense tout bas. Fini le temps où n'avait la langue de bois. Non, mi fait pipi comme z'animaux, oh oh, comme z'animaux, comme z'animaux. Et la mati tout haut, c'est tout pense tout. Comme animaux, oh oh, comme animaux, comme animaux. Un bon papa n'est n'a l'équerre. Lui fait pas voir son famille pas se miser. Son femme avec son bon enfant. Lui fait pas voir bana dans la galée. Un bon papa n'est dans les guerres. Un soldat est vrai militaire. Son âme, son corps et son sang. Lui donnerait toute richesse il a été. Pour son famille. Pour son famille. Pour son famille. Et la lichance, où ça sortira la nous. Mon pays, pour perdre son liberté. Tu fais, ou tu pas, Zoti contrôle à nous. Mon pays, pour perdre son liberté. Tu fais, ou tu pas.